Dialogue 1 à l'aéroport. Diálogo 1 en el aeropuerto. Alain attend Lourdes à l'aéroport de Paris, Roissy-Charles de Gaulle. Alain espera Lourdes en el aeropuerto de París, Roissy-Charles de Gaulle. Bonjour Lourdes, je suis ici. Ah, Alain, comment ça? Je vais bien, merci. Et toi? También, pero un poco cansada. Comment s'est passé ton vol? Bien, pero un poco largo. Sois la bienvenue à Paris. Muchas gracias. Allez, allons-y. C'est par là. De acuerdo, yo te sigo.